L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire sous le titre « Chemin suicidaire ». En voici le résumé. Ces jours-ci, les autorités sud-coréennes font du tapage autour du renforcement de l'alliance sud-coréen-américaine. Il y a quelques jours, lors de leur rencontre avec le sous-secrétaire au département d'État américain chargé des affaires politiques qui a visité la Corée du Sud, ils ont parlé de la solidité des rapports d'alliance sud-coréen-américaine et de l'implantation des assises pour le renforcement de l'alliance à une étape plus élevée. Même le numéro 1 sud-coréen, lors de son interview avec les médias américains, a parlé de la coopération resserrée sud-coréen-américaine sur les projets importants, notamment la politique vis-à-vis du Nord, et des rapports d'amitié et de coopération bilatéraux. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères aussi s'efforce pour flatter le sud-coréen américain en prétendant que l'alliance sud-coréen-américaine est la base de la diplomatie et de la sécurité. Ce n'est qu'une adulation à l'égard de leur sud-coréen américain à la veille de la visite du président sud-coréen aux États-Unis et une conduite répugnante servile aux États-Unis. Le renforcement de l'alliance sud-coréen-américaine est, de par sa nature, l'approfondissement de la sujétion de la Corée du Sud vis-à-vis des États-Unis et donc c'est d'offrir en sacrifice de la guerre nucléaire des impérialistes américains, non seulement la politique et l'économie sud-coréenne, mais aussi le droit à l'existence de la population, et de confier entièrement aux forces étrangères le problème de la réunification du pays, vœu de la nation. Si les actuelles autorités sud-coréennes recourent toujours insensément à l'alliance avec les États-Unis, c'est la traîtrise à l'opinion publique manifestée dans la lutte à la bougie pour l'indépendance, la démocratie et la réunification. Et si elles n'abandonnent pas leur politique anachronique de dépendance des forces étrangères, elles ne pourront pas éviter le même sort que la bande traîtresse de Bakounet, abandonnée par l'opinion publique et l'histoire. Le renforcement de l'alliance avec les États-Unis est une action suicidaire pour la Corée du Sud.